Chapitre 4. Les préceptes de l'Église. Section 1. Les préceptes de l'Église en général. Outre les commandements de Dieu, que devons-nous encore observer? En dehors des commandements de Dieu, nous devons encore observer les préceptes de l'Église. Sommes-nous obligés d'obéir à l'Église? Sans aucun doute, nous sommes obligés d'obéir à l'Église, parce que Jésus-Christ lui-même nous l'ordonne, et parce que les préceptes de l'Église aident à observer les commandements de Dieu. Quand commence l'obligation d'observer les préceptes de l'Église? L'obligation d'observer les préceptes de l'Église commence généralement quand on a l'usage de la raison. Est-ce un péché de transgresser un précepte de l'Église? Transgresser délibérément un précepte de l'Église en matière grave est un péché mortel. Qui peut dispenser d'un précepte de l'Église? Il n'y a que le pape qui puisse dispenser des préceptes de l'Église, et ceux à qui il en a donné le pouvoir. Combien y a-t-il de préceptes de l'Église et quels sont-ils? Les préceptes de l'Église sont au nombre de 5. Premièrement, entendre la messe tous les dimanches et les autres fêtes commandées. Jeûner pendant le carême, aux 4 temps et pour les vigiles commandées. Ne pas manger de viande les jours défendus. Troisièmement, se confesser au moins une fois l'an et communier à Pâques, chacun dans sa paroisse. Quatrièmement, payer les dîmes dues à l'Église, selon les usages. Cinquièmement, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-à-dire du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour de carême à l'octave de Pâques. Section 2. Le premier précepte de l'Église. Que nous ordonne le premier précepte ou commandement de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et les autres fêtes commandées. Le premier précepte de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et les autres fêtes commandées, nous ordonne d'assister avec dévotion à la Sainte Messe tous les dimanches et autres fêtes de précepte. Quelle est la messe à laquelle l'Église désire qu'on assiste les dimanches et autres fêtes d'obligation? La messe à laquelle l'Église désire qu'on assiste autant que possible, les dimanches et autres fêtes d'obligation, est la messe paroissiale. Pourquoi l'Église recommande-t-elle aux fidèles d'assister à la messe paroissiale? L'Église recommande aux fidèles d'assister à la messe paroissiale, afin que ceux qui appartiennent à la même paroisse s'unissent pour prier ensemble avec le curé qui est leur chef, afin que les paroissiens participent davantage au saint sacrifice qui est spécialement appliqué pour eux, afin qu'ils entendent les vérités de l'Évangile que les curés ont l'obligation d'exposer à la Sainte Messe, afin qu'ils connaissent les prescriptions et les avis qui sont publiés à cette messe. Que veut dire le mot dimanche? Le mot dimanche veut dire jour des seigneurs, c'est-à-dire jour spécialement consacré au service divin. Pourquoi dans le premier commandement de l'Église est-il fait une mention spéciale du dimanche? Dans le premier commandement de l'Église, il est fait une mention spéciale du dimanche parce qu'il est la fête principale chez les chrétiens, comme le sabbat, samedi, était fête principale chez les juifs, par l'institution de Dieu lui-même. Quelles autres fêtes a instituées l'Église? L'Église a institué aussi les fêtes de Notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, des anges et des saints. Pourquoi l'Église a-t-elle institué d'autres fêtes de Notre Seigneur? L'Église a institué d'autres fêtes de Notre Seigneur en souvenir de ses divins mystères. Pourquoi ont été instituées les fêtes de la Très Sainte Vierge, des anges et des saints? Les fêtes de la Très Sainte Vierge, des anges et des saints ont été instituées premièrement en souvenir des grâces que Dieu leur a faites et pour en remercier la divine bonté. Deuxièmement, afin que nous les honorions, que nous imitions leurs exemples et que nous obtenions le secours de leurs prières. Section 3. Le second précepte de l'Église. Que nous ordonne le second précepte de l'Église par les mots « jeûner au jour commandé » ? Le second précepte de l'Église par les mots « jeûner au jour commandé » nous ordonne de jeûner premièrement pendant le carême, deuxièmement à certains jours de l'Avent là où le jeûne est prescrit, troisièmement aux 4 temps, quatrièmement à certaines vigiles. En quoi consiste le jeûne ? Le jeûne consiste à ne faire qu'un seul repas par jour et à s'abstenir des aliments défendus. Au jour de jeûne, peut-on faire le soir une petite collation? Par une condescendance de l'Église, on peut, les jours de jeûne, faire le soir une petite collation. À quoi sert le jeûne? Le jeûne sert à mieux nous préparer à la prière, à faire pénitence des péchés commis et à nous préserver d'en commettre de nouveaux. Qui est obligé au jeûne? Sont obligés au jeûne tous les chrétiens qui ont 21 ans accomplis et qui ne sont ni dispensés ni excusés par un empêchement légitime. Ceux qui ne sont pas obligés au jeûne sont-ils absolument dispensés de toute mortification? Ceux qui ne sont pas obligés au jeûne ne sont pas absolument dispensés de toute mortification parce que nous sommes tous obligés à faire pénitence. Dans quel but a été institué le carême? Le carême a été institué pour imiter en quelque façon le jeûne rigoureux de 40 jours que Jésus-Christ fit dans le désert, et pour nous préparer par la pénitence à célébrer saintement la fête de Pâques. Dans quel but a été institué le jeûne de l'Avent? Le jeûne de l'Avent a été institué pour nous disposer à célébrer saintement la fête de Noël. Dans quel but a été institué le jeûne des quatre temps? Le jeûne des quatre temps a été institué pour consacrer chaque saison de l'année par une pénitence de quelques jours, pour demander à Dieu la conservation des fruits de la terre, pour le remercier des fruits qu'il nous a déjà donnés, et pour le prier de donner à son Église de saints ministres dont l'ordination est faite les samedis des quatre temps. Dans quel but a été institué le jeûne des vigiles? Le jeûne des vigiles a été institué pour nous préparer à célébrer saintement les fêtes principales. Qu'est-ce qui nous est défendu le vendredi et les samedis où il n'y a pas de dispense? Le vendredi et les samedis où il n'y a pas de dispense, il nous est défendu de manger de la viande, sauf en cas de nécessité. Pourquoi l'Église a-t-elle voulu que nous nous abstenions ces jours-là de manger de la viande, afin que nous fassions pénitence chaque semaine, et surtout le vendredi en l'honneur de la Passion, et le samedi en souvenir de la sépulture de Jésus-Christ et en l'honneur de la très sainte Vierge? Section 4. Le troisième précepte de l'Église. Que nous commande l'Église par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an? Par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an, l'Église oblige tous les chrétiens qui sont arrivés à l'usage de la raison de l'approcher au moins une fois l'an au sacrement de pénitence. Quel est le temps le plus opportun pour satisfaire au précepte de la confession annuelle? Le temps le plus opportun pour satisfaire au précepte de la confession annuelle est le carême, selon l'usage introduit et approuvé dans toute l'Église. Pourquoi l'Église dit-elle que nous nous confessions au moins une fois l'an? L'Église dit « au moins » pour nous faire connaître son désir que nous nous approchions plus souvent des sacrements. C'est donc une chose utile de se confesser souvent. C'est une chose très utile de se confesser souvent, surtout parce qu'il est difficile de se bien confesser et de se tenir éloigné du péché mortel si l'on se confesse rarement. Que nous prescrit l'Église par les autres paroles du troisième précepte, communier au moins à Pâques, chacun dans sa paroisse? Par les autres paroles du troisième précepte, communier au moins à Pâques, chacun dans sa paroisse, l'Église oblige tous les chrétiens qui sont arrivés à l'âge de discrétion à recevoir tous les ans la très sainte Eucharistie dans leur paroisse pendant le temps pascal. Y a-t-il un autre temps, en dehors de Pâques, où nous soyons obligés de communier? Nous sommes obligés de communier aussi quand nous sommes en danger de mort. Pourquoi est-il dit que nous devons communier au moins à Pâques? Parce que l'Église désire vivement que non seulement à Pâques, mais le plus souvent possible, nous nous approchions de la Sainte Communion qui est la divine nourriture de nos âmes. Satisfait-on à ce précepte par une confession ou une communion sacrilège? On ne satisfait pas au troisième précepte de l'Église par une confession ou une communion sacrilège, parce que l'intention de l'Église est qu'on reçoive ces sacrements pour la fin qui a motivé leur institution, c'est-à-dire pour notre sanctification. Section 5. Le quatrième précepte de l'Église. Comment observe-t-on le quatrième précepte de l'Église, payer les dîmes dues à l'Église? Le quatrième précepte, payer les dîmes dues à l'Église, s'observe en payant les offrandes ou prestations qui ont été établies pour reconnaître le souverain domaine de Dieu sur toute chose et pour pourvoir à l'honnête subsistance de ses ministres. Comment doit-on payer les dîmes? On doit payer les dîmes sur les choses et de la manière que comporte l'habitude des lieux. Section 6. Le cinquième précepte de l'Église. Que nous défend l'Église par le cinquième précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé? Par le cinquième précepte, l'Église ne défend pas la célébration du sacrement de mariage,